AXA, premier assureur des pros. Tu sais ce que c'est un Cobido ? Pas moi non plus. Mais ma sœur, elle a un salon d'esthétique et c'est plus technique qu'on croit. Soutenir sa sœur, pour Jordan, ça coule de source. Comprendre son métier, c'est une autre histoire. Chez AXA, on vous comprend. Nos conseillers accompagnent les pros en moyenne pendant 13 ans. AXA, plus d'informations en agence ou sur pro.axa.fr, étude pépite CSA 2022. Bon podcast avec AXA. LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Alors, c'est la vallée de Papenon. C'est la plus grande vallée de l'île. Alors ici, il n'y avait pas, évidemment pas de route, c'était des sentiers. Là où on est, c'était quasiment une forêt de bambou, très dangereuse d'ailleurs, beaucoup de personnes qui se perdaient. Et donc, il fallait savoir reconnaître les sentiers, reconnaître les plantes. Il y a notamment l'hibiscus rouge qui a été planté par les anciens, qui se voyait de très loin. Et là où il y a un hibiscus, il y a le chemin. Yves Doudoute, membre d'ONURU, association de protection de la vallée de Papenon et de sauvegarde de la culture polynésienne. La recherche dans l'organisation de la société de l'époque. Les archéologues ont découvert des centaines et des centaines de structures dans cette vallée. Je disais que je n'étais pas tout à fait pour dire temple uniquement. Parce qu'en fait, c'était le lieu où tout se décidait. On appelle ça marais aussi, mais bon. On parlait à l'époque de 600, mais je pense qu'on est arrivé à 900 maintenant. Donc, c'est ce qui prouvait que c'était très habité. Pour eux, à l'époque, ils me disaient qu'il y avait entre 6 et 12 000 personnes qui habitaient ici. Le départ d'Aoutourou avec Bougainville, ça serait quoi votre hypothèse ? À mon avis, c'est le goût de l'aventure, hein. Tout simplement, Aoutourou a voulu aller voir ailleurs ce qui s'est passé. Il ne faut pas oublier que les Polynésiens, c'était des nomades. Ils allaient de place en place rencontrer soit des amis, soit de la famille qui étaient éparpillés. Là, les gens découvrent, tout le monde parle de Tupaya, pour vous dire comment l'histoire peut changer. Hein. C'était un triste inconnu, personne ne savait qui c'était. Et en 2012, on fêtait le passage de Cook. Ici à Tahiti, où il était venu observer une conjonction entre Vénus et le Soleil. Donc ils sont allés à la pointe, qu'on appelle Vénus maintenant, alors qu'elle a son nom tahitien, en mémoire de Cook. Et nous, de notre côté, on s'était dit, attends, et Tupaya, alors pourquoi pas lui? Parce que finalement, si Cook a découvert autant d'îles, ben c'est grâce à Tupaya. Cook tout seul, il ne serait pas arrivé. Et donc, c'est comme ça qu'on a décidé d'honorer Tupaya tous les ans. Et vous pensez qu'Aoutourou aussi va avoir une sorte de postérité pour le moment, j'en entends pas parler. Mais je crois qu'il faut laisser le temps au temps. Ça viendra en son temps. Maintenant, il faut savoir connaître la vie d'Aoutourou. N'a pas encore été démystifié. La série documentaire. À la recherche d'Aoutourou, premier Tahitien en Europe. Parou Amar Amar Amar. Pour France Culture, Nouratio Frani Hiro. Le premier qui va embarquer, c'est Aoutourou. C'est lui qui part avec Bougainville, donc en avril 1768. Et c'est le premier Tahitien qui met le pied en Europe, qui arrive en France et qui va y passer une bonne année avant de repartir. Et je pense que c'est vraiment le goût du voyage, de la découverte, d'aller voir un autre monde. Corinne Rebaud, historienne et conférencière. Donc après, le suivant qui va embarquer, c'est l'année suivante, Tupaya, qui lui tient absolument à monter à bord, mais peut-être pour des raisons politiques et de stratégie personnelle. Donc il va quitter Tahiti à bord de l'Endeavour avec l'expédition de Cook et malheureusement mourra à Batavia. À peu près un an et demi après son embarquement, lui n'atteindra jamais l'Europe. Et puis on a Omai qui part avec le deuxième voyage de Cook et qui reviendra avec le troisième. Et lui donc va découvrir l'Angleterre, sera reçu... Chaque fois, Aoutourou comme Omai sont très bien reçus à la cour. Ils ne sont pas montrés comme des personnages de foire. Ils sont honorés, ils vont dans les châteaux, ils rencontrent les dames. Enfin, ils participent à toutes les festivités. Il est dit qu'Omaï creusera un four tahitien dans un des parcs de châteaux. Il se baignera dans les rivières. Il montrera sa force physique, etc. Il appréciera beaucoup la compagnie des Anglais. Tout l'intéressera. Et c'est le seul à revenir vivant à Tahiti avec le troisième voyage de Cook. Donc Omaï, c'est le seul à avoir fait l'aller-retour vivant. Qu'en est-il du souvenir d'Aoutourou, de Tupaya, d'Omaï, qui ont quitté leur île et sont partis sur les bateaux européens? Ici à Tahiti, c'est le grand silence, la non-commémoration de cette période des premiers échanges. En fait, le contraste est saisissant entre la faiblesse des mémoires et le choc qu'ont provoqué ces premiers contacts dans les archipels. On peut sans doute lire, dans cet oubli, la conséquence de 180 ans de colonialisme français, mais aussi le désir actuel des Tahitiens de convoquer d'autres représentations du passé, notamment celle de la société polynésienne d'avant le contact. Du côté européen, nous découvrons ces Tahitiens embarqués sur les bateaux, avec les traces, les anecdotes qu'ils ont laissées dans les journaux de bord. Aoutourou apparaît dans le récit du voyage autour du monde de Bougainville, mais aussi dans les journaux de bord de l'équipage. Il a plusieurs noms. Il est tantôt Louis de Sitter, puisque l'explorateur a nommé Tahiti la Nouvelle Sitter, ou encore le Sauvage, appellation que Bougainville réfute pour lui, ou encore Poutavari, comme il aime à se désigner lui-même, selon la coutume de l'échange de noms avec son taillot, son ami cérémoniel, Bougainville. Mais derrière toutes ces appellations, qui était vraiment Aoutourou? Petit lexique, Tata Tahiti, Jean de Tahiti, Raiatea, une des îles sous le vent, Ari, chef, Oro, dieu de la guerre et de la fertilité, Marae, temple, Mana, prestige, Maui, ce qui est autochtone, originaire des îles polynésiennes. Ouais, je ris, mais c'est totalement en décalage parce que l'histoire d'Aoutourou est absolument tragique. Ce que raconte Bougainville, c'est assez loin de la vérité des choses. Véronique Larcade, historienne. Ce qu'on trouve dans les archives, ce qu'on lit dans les textes, ça n'est pas tout à fait vrai. Et Aoutourou, c'est le personnage caché. C'est le vrai héros du tour du monde de Bougainville. En fait, sans lui, Bougainville n'aurait certainement pas compris le peu qu'il a pu comprendre de la réalité de la vie tahitienne. Aoutourou, c'est le premier Tata Tahiti à être venu en Europe avant le célèbre Omaï Mai, qui a passé un an en Angleterre, voilà, dont on a un magnifique portrait, qui est une célébrité. Évidemment, c'est un défi aussi de s'intéresser à Aoutourou, parce que on n'a jamais son point de vue. Antoine Lilti, historien du siècle des Lumières. Alors on a une série d'éléments permettant de documenter à la fois son voyage vers la France, puis en partie ce qui lui est arrivé, mais lui n'a pas écrit. On n'a même pas de témoignage qui essaierait d'indiquer ce qu'il a ressenti, ce qu'il a vécu, etc. En tout cas, c'est extrêmement lacunaire. Donc il y a aussi cet élément de défi d'essayer de restituer ce qu'a pu être l'expérience de cet habitant de Tahiti qui s'est embarqué sans doute sans du tout imaginer où il allait et qui se retrouve projeté dans le Paris du XVIIIe siècle. Wa Tahiti au te hurai te pehe te fa'ateni te mo a'ai et te mo ohipa fa'ahiahia vera. Je suis lassé de danser, de chanter, de conter les légendes et exploits d'autrui. Je veux devenir une légende. Les ario y chanteront et raconteront mon voyage au pays des dieux. E riroe ai tō tuiro'o. E pehe te mou ārioi, e whaateni atoa tō ai. I te mou whenua o te mou atua. Sur le marais, des cérémonies en mon nom se feront. Une montagne portera mon nom et l'on dira, ne détourne point le regard de Aoutourou, la montagne que le déluge n'atteint point. E parauhia, e iaha e whaariwei, Aoutourou. Les actes et mon nom résonneront dans chacune des îles. Ô guerrier de Bora Bora, des toi Mutu, des marquises, vous craindrez. Je deviendrai comme un héros. Je deviendrai un dieu. Telles étaient mes premières pensées. Aoutourou, c'est vraiment, j'allais dire, le malchanceux. Le pari qu'il a fait, ou en tout cas la décision qu'il a prise de partir avec les Français, lui a coûté la vie. Il n'est jamais revenu chez lui. Et pourtant, il a compté terriblement dans ce voyage qui a été une odyssée. Je veux dire, quand les navires arrivent donc sur la côte est de Tahiti, à la hauteur de l'isthme de Taravao, bon, ils avancent assez vite. Ils sont rattrapés, ou en tout cas, ils sont poursuivis par des pirogues. Et, on n'arrive pas à rattraper la boudeuse, le navire le plus rapide, mais parviennent à arriver à la hauteur de l'étoile. Et Aoutourou, qui est le premier Tata Tahiti à monter à bord, il le fait au terme d'un véritable exploit sportif, parce qu'il arrive à la force des bras à s'accrocher à un cordage et donc à la fois tracter la pirogue sur laquelle il se trouve et lui-même donc à pouvoir arrimer la pirogue et monter le long des cordages sur un navire qui était forcément beaucoup plus haut que n'étaient les pirogues. L'arrivée du sauvage Boutaveri. Il est venu dans deux pirogues amarrées ensemble et bien ramées, un sauvage vêtu d'un drap blanc, portant à la main un rameau de palme en signe de paix, accompagné d'une fille ou femme de 16 à 18 ans. Ayant un morceau de pain entortillé en pain de sucre autour de la tête, une autour de la ceinture et le reste nu blanc. On pourrait dire mieux qu'en Europe, au moins égal à cet âge. À cet aspect charmant, nous ne tardâmes pas à faire des vœux pour une prompte relâche. Notre imagination politique a beaucoup, dès cet instant, pour savoir si cette beauté n'était point étrangère au pays. Comment est-ce qu'un peuple aussi charmant pouvait être aussi éloigné d'Europe? Et comment il se trouve dans cette île aussi blanc, tandis que tout ce que nous avions vu dans les autres îles depuis notre départ n'y avait eu aucun rapport? Ces gens pagayaient de toute force. Dès qu'ils furent apportés, on leur jeta une amarre. On lit dans tous les journaux que, aussi bien les Anglais que les Français qui arrivent en Polynésie, trouvent les femmes magnifiques, belles, attirantes. Serge Tcherkesov, ethno-historien des premières rencontres entre Polynésiens et Européens. Ces femmes sont si blanches, elles sont si belles, elles sont si blanches, couleur de peau si claire. Les Espagnols même, avant, quand ils arrivaient aux Marquises, disaient « elles sont presque comme les femmes de Lima que nous connaissons, etc. » Donc il y a eu aussi le hasard qui a fait que, pour des questions de classification de couleur de peau, qui commençaient à s'élaborer à cette époque, tout de même depuis que les Européens ont fréquenté les côtes africaines, et même avant, la classification entre les sauvages très sombres et les sauvages très clairs était là un peu partout, déjà même dans l'Antiquité. Et elle ne fait que monter, jusqu'à ce qu'elle prenne après une tournure entre guillemets scientifique horrible au 19e siècle. Mais elle est déjà là. Or, tous les voyageurs de cette époque sont nourris de la culture de l'Antiquité gréco-romaine. Et même s'ils ne le disent pas ouvertement, on peut le voir par le fait que quand ils trouvent les noms des indigènes trop compliqués des différents chefs, qu'est-ce qu'ils vont chercher pour les identifier? Quel pseudo ils leur donnent? Toujours des pseudos de héros antiques. Énée, Didon, etc., etc. Donc, pour eux, c'était clair. Les Polynésiens, ils sont beaux. Il y a la question couleur de peau. Et il y a la question, c'est les mêmes proportions corporelles que ce que nous considérons être la plus belle statuaire européenne de notre histoire, la statuaire gréco-romaine. Ariyoumananoui, ape, ahura, afaiteto arabi, ta aenoa tutevai, ora toutino. Ô puissant Arioi, chante, danse, exprime-toi. Où que je sois, mon corps devient soleil. Que vos mains deviennent moites à ma seule présence. Prends garde, effroi, je suis ton poison. Je suis celui qui renverse les bouches funestes. Jamais vos yeux ne se détourneront de moi. Ma bouche tempère et guide l'assemblée, telle la lune qui régit les marées. Voilà mon rôle immuable, Enfin, après environ un demi-quart d'heure de travail, il parvint à accoster le navire, attrapa les chaînes d'auban, monta à bord avec son rameau à la main et renvoya sa pirogue. Il donna son rameau au capitaine et ne parut pas fort étonné. Fit signe qu'il y avait de quoi boire et manger chez lui. Il nous fit entendre qu'il voulait venir avec nous, cria et fit signe à une quantité de pirogues qui nous entouraient, tous des rameaux de palme à la main, ce qui nous donna espoir d'être bien reçus. Il arrive à bord d'un navire où l'équipage est certainement affamé, en mauvaise condition physique. Et il arrive avec une jeune femme qui est pratiquement dénudée, d'abord parce que on porte des habits en tapas et, et pour lorsqu'on se trouve en milieu humide, c'est pas vraiment adapté. Et puis surtout, elle est déshabillée. Il faut savoir qu'auparavant sont arrivés des Britanniques, l'équipage de Samuel Wallis, qui a tiré au canon sur la foule répandue suite à un moment de panique, qui a fait des ravages. On sait très bien que les Européens ont des armes fatales. Et certainement, la venue de cette jeune femme est moins liée à un désir d'échange rapide qu'un moyen de désamorcer une agression de ce point de vue. Monsieur Lafontaine, un de nos officiers, l'habilla de chemise, grande culotte, veste et chapeau. Peu après, on a sonné la cloche pour la prière. Il est allé voir et regarder comment on faisait. Lorsqu'on fit la prière de l'équipage, il ôta son chapeau, se mit à genoux comme tout le monde, fut fort tranquille. Lorsqu'à la fin de la prière, on cria « Vive le roi !» il cria aussi sans qu'on pût comprendre ce qu'il prononça. Après cela, il s'amusa à aller manger une cuillerée de soupe dans chacune des gamelles de nos gens. Lorsque nous nous mîmes à table, à la chambre, on l'envoya chercher. Il se mit comme nous, avec une serviette. Un couvert. On lui a donné de l'eau à boire qu'il buvoit avec un plaisir avide, disons. Il n'a point voulu de vin ni ragoût épicé. Après le souper, on a tiré des fusées qu'il a vues avec grande surprise. On lui a fait un lit sous le gaillard et toute la nuit n'a fait que monter et descendre sous le gaillard pour voir la route que nous faisions par les étoiles ayant passé la nuit à louvoyer. On va lui donner des habits, il va apprécier de se faire vêtir à la française, il va manger, va découvrir les couverts et manger avec les Français. Corinne Rébeau, historienne et conférencière. Il va ensuite participer, semble-t-il, à la prière, il dira même « Vive le roi » à la fin, à sa manière. Et il dormira à bord du bateau. Et ce n'est qu'après un ou deux jours qu'il acceptera de redescendre avec tous ses cadeaux, ce qui fera de lui une sorte de héros qui retourne à terre, nanti de toutes sortes d'objets inconnus pour ses congénères. Et c'est lui aussi qui partira avec les Français, donc confié par le chef Héréti. Il partira au moment de l'appareillage des deux navires et principalement de la boudeuse. Le voyage qui a lancé tellement de choses de ce que nous appelons aujourd'hui la mythification européenne de Tahiti, Serge Tcherkesov, de la Polynésie, repose surtout sur le voyage de Bougainville, dont ils ne sont restés sur place que 10 jours, et que d'autre part, il y avait pratiquement zéro d'intercommunication possible, puisqu'on a ces scènes où Bougainville lui-même décrit que pour expliquer au chef local qu'il voudrait rester un certain nombre de jours, il est obligé de prendre des cailloux dans la main, de montrer le soleil, de prendre un caillou pour dire voilà une journée. Anecdote intéressante d'ailleurs, parce qu'il raconte lui-même, en comprenant pas très bien, un peu vexé peut-être, que le chef lui rend quelques cailloux en disant non mais pas trop, hein. Les Tahitiens, instruits par les expériences précédentes, à tout moment ne savaient pas à quoi s'attendre. de l'expédition de Bougainville. Bougainville est arrêté en 100 lieues de pensée qui n'ont jamais été pris pour des amis pacifiques. Ils ont été pris pour d'immenses dangers avec lesquels il fallait... On ne savait pas du jour au lendemain ce qui pourrait se passer. Mais en tout cas, c'est pour dire que il n'y avait pratiquement pas un mot d'intercompréhension possible. Alors se dire que c'est le voyage qui nous dit plein de choses sur la culture tahitienne traditionnelle, c'est renversant. Le tout début de l'interaction a été quand Bougainville a passé des semaines avec Aotearou à bord. Où là, les signes, les mots, ah, tu dis ça comme ça, bon, d'accord. Et c'est après, évidemment, le premier voyage de Cook, après qu'on a commencé à avoir des listes de mots, ce qui fait que lorsque, par exemple, Captain Bligh arrive à Tahiti en 1789, je crois, ou 8, là, oui, là, il peut déjà parler suffisamment avec les chefs locaux, par exemple, pour pouvoir écrire avec une certaine autorité. Ils m'ont expliqué que le nom de ce chef veut dire qu'il a été mis au monde, le fameux tout, justement, qu'il a été mis au monde par un dieu qui est venu rencontrer la mère pendant la nuit. Et ça, évidemment, c'est une anecdote intéressante parce qu'elle montre bien ce côté moitié homme, moitié dieu des grands chefs. Aotearou, c'est sûr, de par ce qu'il est à la fois spirituellement et ce qu'il est socialement, facilite l'arrivée des Européens. Et c'est lui qui, semble-t-il, négocie l'accueil des Européens à Haïtia. En tout cas, Aotearou, c'est visiblement quelqu'un qui appartient à la haute société tahitienne. Il est apparenté au chef d'Itia, le lieu où vont mouiller les navires de Bougainville. Donc, il fait partie de ce qu'on peut considérer l'aristocratie tahitienne. Et il appartient au monde des Arioi, c'est-à-dire des... Là encore, on emploie un vocabulaire qui est un vocabulaire religieux de référence européenne et qui est sans doute pas adapté à la spiritualité des Tata à Tahiti. Donc, il appartient à ses adeptes, à ses missionnaires du dieu Oro. On pense que le culte de Oro n'a pas démarré à Réétien, mais a démarré plutôt à l'île de Borbora. John Merai, metteur en scène et professeur d'Orero, l'art déclamatoire tahitien, au conservatoire de Papété. Et à la suite d'une guerre, lorsque un chef de Borbora a envahi donc Réétea, il a remporté cette bataille et il a imposé son dieu. Donc Oro a été adopté et surtout, c'est le dieu en même temps de la guerre, de la fertilité et de la vie. Là, donc, il y avait la puissance, il y avait la terreur qu'un dieu pouvait inspirer. On pense que c'est grâce au chef, au Ari Tamatoa premier, il a développer le mouvement des Arieux, qui est devenu une véritable secte dans le sens noble du terme. L'un des critères que l'on considérait important au démarrage pour être un Arieux, c'est d'abord physiquement être beau. Bon. Alors, Aotearou, d'après les descriptions, il n'était pas particulièrement beau. Hein. 1m70 au plus, donc il n'avait pas la stature d'un vrai Ari. Par contre, il était agile. Cela pouvait former à l'aider, faire des pirouettes, agir. Il y avait beaucoup de pantomime chez les Arioi. Alors, Aotearou, je pense que c'était un Arioi plutôt du style joyeux, parce que je n'ai pas lu d'attitude belliqueuse de Arioi. C'était certainement un grand jouisseur, il profitait bien de la vie. Il avait l'air d'aimer les femmes. Hein, et je pense que justement la liberté des mœurs chez les Arioi pouvait correspondre aux agissements de Aotearou. On n'a pas parlé du grand séducteur non plus. Hein. Non. Il était petit, hein. Napoléon aussi était petit. Hein. Ouais, enfin, ouais. Mais je crois que c'était quelqu'un qui est beaucoup plus un Arioi, peut-être de la quatrième classe. Ce n'était pas certainement un grand Arioi, un chef Arioi. Alors oui, effectivement, les Arioi, ça reste quand même aussi une confrérie un peu encore assez obscure, hein, parce que on ne sait même pas comment l'appeler. Est-ce qu'on l'appelle secte? Est-ce qu'on l'appelle caste? Est-ce qu'on l'appelle confrérie? Confrérie d'inspiration religieuse. Tamara Maric, archéologue et directrice des collections au Musée des îles et de Tahiti. Il y a des auteurs qui ont comparé aussi les Arioi avec un fond commun qu'on trouve ailleurs en Polynésie. Par exemple, les Kaoi aux Marquises, qui en fait ne désignent pas une confrérie particulièrement, mais qui désignent un âge de la vie, qui correspond grosso modo à l'adolescence. Et donc aux îles Marquises, les jeunes gens passaient dans cette espèce de ce groupe ou cette confrérie ou cette espèce de mini-classe sociale qui est temporaire, qui correspond à un âge. Et donc tous ces jeunes gens se réunissaient en groupe et ils étaient entraînés, ils étaient formés pour participer à des fêtes. Donc ils apprenaient la danse, ils apprenaient à confectionner des costumes, à faire des banquets, à animer un peu les grandes fêtes, les koina koika aux Marquises, qui jouaient un rôle très important parce que ça permettait, entre les différentes chefferies des différentes vallées, de se retrouver dans un contexte non guerrier. Et donc ils pouvaient parcourir les vallées, même en temps de guerre, on ne les attaquait pas. Et on retrouve aussi cette notion de l'adolescence, des kiaoi, dans d'autres archipels de Polynésie. Sauf qu'aux îles de la Société, c'est devenu quelque chose également de religieux. Ça a pu se développer comme confrérie religieuse, basée autour du culte de ce dieu Oru. Les grandes festivités à Rieuil, c'est surtout pendant la période d'abondance. Parce que c'est là que les prêtres constataient le retour des Pléiades et que l'on mettait ça sous le cycle de Oro, par exemple. Chaque chefferie de l'île de Tahiti, de Moréa et des îles Sous-le-Vent avait son marais principal, marais dit national, entre guillemets, ça c'est une traduction française un peu grossière, mais le marais du district, très important, avec le grand centre cérémoniel, avec le hangar des pirogues sacrées et avec le Fare Arioi, la maison des Arioi. Qu'ils occupaient donc lors de fêtes cycliques qui étaient liées notamment beaucoup au calendrier ancien qui s'articulait autour des deux principales saisons, c'est-à-dire la saison humide de fertilité, dite d'abondance, Matar Inia, qui est à partir du 20 novembre, quand on voit ce groupe d'étoiles se lever dans le ciel, on arrive pendant la période des pluies, la période humide, la période d'abondance, et qui s'achève autour du mois d'avril-mai, Matar Iraro, c'est-à-dire Matar I tombe, on ne voit plus les Pléiades et on entre dans cette période de restriction où là, bon, apparemment, les Arioi se retiraient dans leur dépendance. Lorsqu'ils étaient en groupe, ils pouvaient se retirer dans les montagnes. Les Arioi, oui, voilà. C'était leur rôle. Quand ils se déplaçaient, généralement, on décrit, c'était une troupe. Ils pouvaient dépasser 100-150 personnes. Ça fait 4 à 5 pirogues. Quand ils arrivaient, c'était festivité. Et la fête, mais ce n'est pas eux qui payaient. C'est le peuple, c'est le petit peuple qui est là, qui fournissait tout ce qu'il y avait. Si bien qu'à la fin, après le passage des Arioi, c'était un peu comme Attila. Il n'y avait plus d'herbe sous le sol. Ben, c'est un peu comme ça qu'avec les Arioi, lorsqu'ils venaient, c'était la fête, il fallait fournir. D'autant plus qu'ils étaient sous la protection du dieu Oro. Donc c'était des êtres, entre parenthèses, divins. Ils étaient obligés de respecter leur mana. Et eux, ils profitaient bien de leur mana. Ils avaient tout, manger, le boire, les femmes, etc. Et puis quand c'était fini, ils partaient, et c'est le petit peuple qui était obligé de replanter ce qu'il en avait plus. Donc on ne peut pas dire que les Arioi bénéficiaient toujours de l'appréciation des grands, oui, parce que ce n'est pas les grands qui plantaient non plus, c'est qui plantaient les cocotiers, qui plantaient les tarots, c'est toujours le petit peuple. C'était des gens qui étaient là pour l'amusement. Converser avec eux était très difficile. J'avais de fait plus d'aisance à comprendre ce que les nuages, les courants marins et les étoiles me disaient. À mesure que l'on s'éloignait de ma terre, le soleil devenait moins chaleureux. Peut-être ne le traitait-il pas bien. D'ailleurs, aucune prière ou offrande ne lui était faite. Le soleil avait beau resplendir de sa présence, il ne me réchauffait plus comme à son habitude. Une des choses qui est certainement peut-être une indication de ce qui faisait Véronique Larcade, la personnalité, l'individualité, l'équation d'Aoturu, c'est son attitude à l'égard de Jeanne Barré. L'autre personnage extraordinaire de l'expédition, cette femme qui, travestie, s'est embarquée pour être l'assistant de Commerson et qui, à Tahiti, a été identifiée comme effectivement une femme. Enfin, laissant planer évidemment beaucoup de questions sur le fait qu'elle ait pu passer inaperçue, seule femme dans un équipage d'hommes et surtout dans des conditions de promiscuité très très très grande. En fait, Aoturu, à son égard, a une attitude très... peut-être d'amitié, en tout cas de sympathie. C'était avant, attends, ça commence là. Les soupçons. Mmh. Voilà. J'ai fait encore du jeu français. Oui. Terena Rey. Ok. Les soupçons commençaient à tomber, faute de preuves, lorsque nous arrivâmes à la nouvelle citerre. Le sauvage de bord, Boutaveri, dont j'ai fait mention, dès qu'il aperçut dans la foule de l'équipage ce personnage, il se mit à courir après elle en criant « Aïe néné, qui veut dire fille en langue du pays », lui fit des démonstrations de propositions bien intelligibles. Nous fûmes tous étonnés de voir que cet homme l'avait reconnu et de l'ardeur avec lequel il s'en est occupé. Il n'en fallut pas davantage pour assurer à tout l'équipage le caractère de son sexe. Quelques jours après, elle s'en fut à terre avec son maître pour herboriser. Dès qu'elle fut descendue, tous les sauvages se la tirèrent les uns et les autres en criant mille fois « Aïe néné, aïe néné ». Cette histoire de femmes à bord, Corinne Rebaud, historienne et conférencière. Depuis l'Amérique du Sud, quand l'étoile avait rejoint la boudeuse en Amérique du Sud, donc, mais ils étaient restés assez restreints puisque, semble-t-il, elle ne quittait pas Commerçon, elle restait dans sa cabine, ils allaient arboriser tous les deux, donc ça ne prêtait pas vraiment l'occasion à trop de discussions. Et lorsque Commerçon, le botaniste, descend à terre avec son valet Jean Barré, eh bien là, les Tahitiens qui étaient sur le rivage se jettent sur il, elle, et finalement le déshabille et découvre en criant que c'est une femme et voulant lui faire les honneurs de l'île, j'imagine. Eux-mêmes présentaient leur femme, ils ont peut-être sous-entendu que c'était un cadeau qui leur était apporté. Et donc la sentinelle a dû séparer finalement Jeanne de ses prétendants et l'a renvoyée à bord, et à partir de là, elle n'est plus redescendue à terre. Et on peut quand même considérer que Louis-Antoine de Bougainville, le grand connaisseur de femmes, n'avait pas pu se tromper sur l'identité, le genre du valet, mais qu'il avait fermé les yeux, probablement à condition qu'il n'y ait pas de trouble, pour pouvoir garder Commerçon, qui était le botaniste qu'il fallait avoir à bord. Il aimait beaucoup que Jeanne Barré le coiffe, l'habille à l'européenne, et il était très à l'aise avec ça. Alors que, semble-t-il, pour les autres Tata Tahiti, Jeanne Barré, c'était la femme qui venait dans les navires européens où il n'y avait que des hommes, ce qui, évidemment, était éminemment choquant pour des Tahitiens qui, semble-t-il, souhaitaient les relations sexuelles des femmes tahitiennes avec les hommes européens. Et sans doute, pour autant qu'on puisse l'envisager, souhaitait que la réciproque soit vraie. Mais ce qui posait problème, c'est qu'il n'y avait pas de femmes sur les navires européens, alors qu'il y en avait visiblement sur les navires polynésiens. Plusieurs lunes passèrent et je m'habituais petit à petit à leur présence constante. Je dois dire que je me méfiais quand même d'eux, à l'exception de mon ami. À l'image de Hiro, le seigneur de l'obscurité et roi des voleurs, à l'affût du moindre crissement étranger, et qui est le plus méfiant de tous, je reste sur mes gardes. Ose souiller ma maison de ton pas. Tes entrailles, tu verras. Ta lignée, tu ne verras point. Dans la tradition polynésienne pré-occidentale, on changeait assez facilement de nom. Jacques Vernaudon, linguiste pour les langues océaniennes. Les individus pouvaient changer de nom en fonction des circonstances de la vie, d'événements particuliers. On retrouve cette réalité à travers aussi la littérature du contact, puisque les mêmes personnages en fait sont désignés par des noms différents à des époques différentes. C'est le cas de Pomare, par exemple, dont un nom précédent est Tou. Pomare, qui est un personnage très important pour l'histoire de la Polynésie, en fait, il a au moins deux noms connus, Tou et Pomare. Et alors, c'est intéressant parce que lorsqu'il s'agissait de noms de Hari, donc les Hari sont ceux qui appartiennent au rang des chefs, il faut savoir que tous les prénoms sont en fait puisés dans le stock du vocabulaire courant. Tou, par exemple, ça veut dire se dresser. se tenir droit. Po mare, c'est la nuit, et mare, c'est tousser. Bon, c'est lié justement à un épisode dans la vie de Po mare. Et donc, à chaque fois qu'un ari, un chef, prenait un nom, puisait donc dans le vocabulaire commun, ce nom devenait tabou. C'est-à-dire que le commun des mortels ne pouvait plus utiliser ce mot. Alors vous imaginez quand même un mot comme se dresser, se tenir droit, se tenir debout, c'est compliqué quand ça sort du vocabulaire du jour au lendemain. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus vous dire « je me lève », non, vous n'avez plus le droit de dire « tout ». Il faut trouver un autre mot. Et pareil pour la nuit, « peau ». Bon. Et donc on a en tahitien de très nombreux doublons, c'est-à-dire des idées pour lesquelles on dispose de deux mots. En l'occurrence pour « tout », on a le mot « tout » et le mot « tia ». Donc le mot « tia » est aujourd'hui le mot qui veut dire en tahitien « se dresser, se tenir debout » parce qu'il a remplacé « tout » devenu « tabou hein, »,« tapou » lorsqu'il a été utilisé par cette famille royale. Et donc on a la même chose pour « po »,« po »,« rui », »,« lo », »,« vai », »,« papé », etc. Donc on a des doublons. Ça s'appelle la coutume du « pi ». Alors une autre pratique assez fréquente, c'est d'entre amis, qui justement illustrait également l'incidence des événements particuliers sur son identité, est que lorsque deux personnes étaient donc dans une relation d'intimité, elles pouvaient échanger leur nom. Donc c'est ce qui s'est passé entre Bougainville et Aoutourou. Donc Aoutourou a pris le nom de Bougainville. Bougainville devient dans la bouche d'Aoutourou Poutaveri. Le bœuf devient un peu, etc. Et effectivement, Puta Veri, littéralement, si on devait l'interpréter comme des mots tahitiens, Puta, c'est la blessure, c'est être percé, et Veri, c'est le scolopendre. Donc on peut interpréter Puta Veri comme piqûre de scolopendre. Mais c'est une interprétation a posteriori. Tamara Marie. Avant l'arrivée des Européens qu'on connaît dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, il y avait eu un certain nombre de prophéties dites par des grands prêtres et des prêtresses, y compris à Mangareva, qui prédisaient l'arrivée des grandes pirogues sans balancier, avec des hommes qui seront comme nous, mais pas comme nous, mais qui font partie de Tetumu, du tronc commun, qui font partie de l'humanité, mais qui seront différents de nous, et qui annonçaient toute une série de grands changements, de grands bouleversements, dont voilà, ils prendront nos terres, voilà, ça dépend des types de prophéties, mais les gens, semblait-il, étaient déjà un peu au courant qu'il allait se passer des choses. Alors est-ce que les gens s'embarquent avec eux pour voir comment ça se passe? Ça paraît tout à fait naturel. Hein. Il ne faut pas oublier que les premiers contacts avec l'Occident, pour les Polynésiens qui étaient extrêmement isolés au sein du Pacifique, j'entends bien au sein du Pacifique, depuis plusieurs siècles, hein, qui ont effectivement beaucoup bougé à l'intérieur même de la Polynésie, des frontières, qui étaient en contact avec des archipels très éloignés, et peut-être même très anciennement avec l'Amérique, hein. Ça, on a quelques indices, même si le souvenir a pu être perdu. Les Espagnols ont commencé à sillonner le Pacifique dès le début du XVIe siècle, donc avec tous les échouages qu'il y a pu y avoir au Tuamotu, l'archipel dit dangereux, les gens étaient au courant. Donc Tupaya, effectivement, s'est embarqué après avec Cook. Mais ils ont peut-être aussi été envoyés comme, pas comme espions, mais comme indicateurs. Qui sont ces gens? Il faut les accompagner, il faut aller voir quels sont ces pays de l'étranger. Voilà. Mais malheureusement, Aoutourou n'a pas pu revenir. Tupaya non plus. Il n'y a que Omai qui est revenu. Évidemment, on n'a aucune parole d'Aoutourou, ni au départ, ni quand il est à Paris, pour dire « voilà pourquoi j'ai voulu m'embarquer ». Serge Tcherkezov, anthropologue. Quand on reconstruit toute l'histoire des migrations polynésiennes, on s'aperçoit que, loin d'être ce qu'on pensait au départ, des migrations juste pour trouver des terres pour avoir plus de place, on s'aperçoit qu'ils ont systématiquement exploré le moindre îlot, ne serait-ce qu'en y restant peu de temps, mais le temps de construire un petit temple, de cultiver du copra. On a ces mythes qui parlent de ces tentatives millénaires, éternellement recommencées, d'essayer toujours d'aller plus loin vers l'Est, parce que c'est là que serait le secret du début des temps et de la vie. Et c'est d'ailleurs, pour moi, C'est une des grandes explications du fait que les migrations polynésiennes ont toujours été orientées vers l'Est jusqu'au plus loin, donc Tahiti et la Polynésie française, et même jusqu'aux côtes américaines. Et après, vers le nord, Hawaï, vers le sud, les Maoris. Mais bon, c'est pour dire que dans ces archipels polynésiens, pas seulement les grandes familles, aussi d'autres, avaient toujours cette envie d'aller faire des échanges cérémoniels avec d'autres plus loin. Ça, c'est peut-être un grand trait océanien, que l'échange de biens, de valeurs, est quelque chose qui élève constamment non seulement votre statut, mais je dirais même votre âme et votre devenir ancestral futur. Donc je crois que c'est du côté de ces grandes généralités qu'il faut chercher le fait que, en Polynésie aussi, les Polynésiens voulaient tout le temps aller explorer plus loin. Et évidemment que le jour où ils ont l'occasion de voir des bateaux qui viennent visiblement de très très loin, si pas même les confins du pays des dieux, il y en a eu certainement qui ont eu très peur et qui se sont dit « jamais je n'irai ». Et puis il y en a eu d'autres, beaucoup plus courageux, qui ont dit « je vais peut-être y laisser la vie, ce qui est arrivé, mais j'irai voir ou ces nouvelles grandes îles, ou même le pays des dieux ». Donc pour moi c'est ça qui fait que Aotearoa est l'un de ceux qui a dit « je viens avec vous ». Dès que les sauvages nous ont vus partir, ils sont venus dans leur pirogue chargée de présents à bord de la boudeuse et le principal chef donna au capitaine quelques présents en ouvrage du pays, le priant, les larmes aux yeux, de prendre Butaveri à son bord et de l'amener à notre roi. Ce moment était très attendrissant. Les femmes dans leur pirogue le long du bord pleuraient notre départ et ne pouvaient s'empêcher de faire connaître le chagrin qu'il leur causait. Ils demandaient à chaque instant quand nous reviendrons et on voyait la tristesse faire place à la sérénité lorsqu'on leur donnait quelques espoirs de retour. Aotearoa, c'est pareil pour vous? C'est comme Tupaya? Je sais pas pourquoi, c'est plus sur Tupaya que les gens, en fait, du moins dans mon entourage, sur lequel on a focalisé. Concernant Tupaya, même si on reconnaît que c'était un de nos plus grands navigateurs polynésiens, Marévagassien et Néné, jusqu'à aujourd'hui, il est considéré par certains comme un traître. C'est le mot. Pourquoi? Parce que pour nous, il est allé, il a livré nos secrets, parce que nos secrets de navigation, et tout pour nous est sacré. On navigue avec les étoiles, mais on navigue aussi, pas seulement avec les étoiles, mais aussi avec les vents, avec l'état de la mer, avec la lune. Il y a tous les signes de la nature, avec les oiseaux, selon de quel côté ils volent, comment ils volent, est-ce qu'on en voit, quelle espèce d'oiseau on voit, quelle espèce de poisson va naviguer à nos côtés. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est vraiment ancré en chacun de nous. Et le fait qu'ils soient allés le dire à des popas, les popas, donc c'est ceux qui ont la peau blanche, c'est pour certains, ils lui en veulent encore parce que ben voilà, ça devait être conservé, ça devait être que pour nous, parce que c'est pas tout le monde, mais les plus grands navigateurs, on sait, on dit que ce sont les Polynésiens qui ont fait des migrations très très lointaines sur des milliers de kilomètres en emportant femmes, enfants, animaux, victuailles. Et leur savoir, même dans le triangle polynésien, on se considère tous comme des cousins. Hein. Pour Aotearoa, je pense pas. Est-ce que toi tu as... Voilà, c'est la même chose hein, que Tupaya. Ce sont de grands navigateurs. De toute façon, ce n'étaient pas les seuls grands navigateurs. Tout le monde, tous les Polynésiens, tous les Maori, comme nous on dit, hein, ce sont de très grands navigateurs. On navigue, Mareva a bien dit comment naviguer. Mais en plus de ça, on a nos dieux, comme Ruahatu, qui est le dieu de la mer. Et nous avons aussi nos ancêtres. Tout ce qu'on fait, c'est avec nos ancêtres. Et c'est grâce à eux qu'on réussit. Voilà. Donc, c'est le même esprit. Ils ont fait du bien. Pour certains, mais pour d'autres, ils ont trahi. Donc voilà, il y a une balance entre les deux. Qu'est-ce que tu veux qu'on pense de cet ancêtre, de ce Maori? et on laisse libre choix à chacun. Voilà. C'est un voyage qui est très difficile. À Tahiti, Bougainville ne reste que 10 jours. Véronique Larcade. Autoroute qui s'embarque au départ de Tahiti le 15 avril 1769. Il va pendant un an naviguer avec les Européens, avec les Français, pour une traversée du reste du Pacifique jusqu'à Jakarta, qui est particulièrement dure, et ensuite une traversée de l'océan Indien qui est encore plus pénible. Autoroute, c'est quelqu'un, on le sait à travers les journaux de voyage des compagnons de Bougainville, c'est quelqu'un qui a soutenu le moral de l'équipage en improvisant des chansons. Quelques jours plus tard, tandis qu'il observait le ciel nocturne, le jeune insulaire nomma une douzaine d'étoiles, montrant celles qui indiquaient le cap de Tahiti, et dit à Bougainville que s'il naviguait nord-nord-ouest pendant encore 2 jours en suivant la direction d'une étoile particulière, il parviendrait à une île habitée par ses alliés et on leur donnerait de la nourriture fraîche et des femmes. Vraisemblablement, Aotourou parlait de Reiatea, même s'ils avaient déjà dépassé l'île. Avec des gestes explicites, Aotourou signifiait soit qu'il avait un enfant à terre, soit qu'il était né là. Et quand le navire continua à naviguer vers l'ouest, il saisit la barre et essaya frénétiquement de la tourner dans cette direction. Lorsqu'un marin lui arracha la barre des mains, Aotourou eut l'air bouleversé. À l'aube, le lendemain, il monta au sommet du mât et y resta toute la matinée à regarder fixement et tristement dans cette direction. Moi, je n'ai accès qu'à une très petite partie de ce qu'a pu être Aotourou. Voilà, l'histoire d'Aotourou, c'est une tragédie, une suite d'occasions manquées, de gâchis. Mais c'est surtout quelqu'un qui incite à penser différemment, à voir les choses différemment. À Aotourou, ce que je souhaiterais faire passer, c'est qu'il mérite qu'on s'intéresse à lui. À Jakarta, quand Cook, de retour de son propre voyage, un an après le passage de Bougainville à Tahiti, lorsqu'il fait lui-même escale à Batavia, Jakarta, il rencontre quelqu'un qui, voyant auprès de Cook Tupaya, avec son pareo, enfin, on appelle ça pareo aujourd'hui, en tout cas le costume tahitien, la jupe longue que portent les hommes, il va vers lui, il lui explique qu'un an avant, il y a quelqu'un habillé pareil qui est passé et que, voilà, il voudrait avoir de ses nouvelles. Et c'est quelqu'un de Batavia, je sais pas, un marchand indien ou chinois ou un indonésien. Et il cherche à avoir des nouvelles d'Aotourou qui a passé que quelques jours. Mais au-delà, certainement, du côté exotique qu'il pouvait avoir, il a marqué les gens. En tout cas, c'est une histoire qui est loin d'être faite. Maintenant, je l'esprit confie. Mes pensées s'entremêlent comme des anguilles affamées à qui l'on donne à manger. C'était mon choix. Je suis tout de même issu du haut rang des chefs et des Arioi. Je dois montrer l'audace, la bravoure. Pourquoi le regretterais-je alors? Une décision trop hâtive peut-être. Je voulais juste les impressionner pour que mon nom reflète gloire et respect. Quel idiot je fais maintenant. Tout s'est passé si vite. Je regrette de ne pas t'avoir serré, caressé avant de partir. J'étais censé te revoir, te dire au revoir. Il me semblait qu'il y avait quelque chose qui manquait. C'est l'homme. Flora Devatine, poétesse et membre de l'Académie tahitienne Fare Vanara. C'est l'homme du lieu qui porte encore le nom de Aotourou, c'est qu'il est quelque part lié à ce récit, à cette histoire qui s'est passée au XVIIIe siècle. Voilà. Ça aurait été intéressant pour vous d'interroger un monsieur Aoutourou d'aujourd'hui, descendant ou non, mais en général, les noms étaient à vous. On n'avait pas le droit d'utiliser le nom d'une autre famille. Et donc, ceux qui portent le nom de Aoutourou aujourd'hui ne peuvent qu'avoir un lien avec cette histoire d'il y a 250 ans exactement, en effet. Ouais. Mais je sais qu'il y a des familles Aoutourou qui existent, hein, et elles sont nombreuses, hein, aussi, dans la grande île, à Hitia, parce que à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, parmi les premiers pasteurs protestants, il y avait le pasteur Aoutourou, oui. Vous êtes allé à Hitia à ce moment-là, on vous a montré le marais. Oui. Et bien donc, disons que les premiers pasteurs qui habitaient là, c'est de porter le nom de Aoutourou. En fait, oui, je suis apparentée à cette famille puisque par ma mère, qui est donc qui a des ancêtres de Hitia, liés à la famille Aoutourou. C'était une grande famille. Oui. On parle de Aoutourou, mais en fait, ce n'est pas de Aoutourou qu'on parle. On parle de ce que l'on a raconté, dit de Aoutourou, et on veut savoir qui il est. Mais en fait, la première chose pour savoir qui il est, c'est chercher, est-ce qu'il a des liens? Est-ce qu'il a de la famille sur place? C'est rechercher sa généalogie ou des gens qui portent encore son nom. C'est comme ça la pensée polynésienne. Oui. Ce sont les noms de la généalogie. Haute détail. Oui, haute manmane. Far il a été iré. Farua fatmataï. Les noms de la généalogie. Farua fatmataï. Nan imaire teute. Tahiri maire to ar. Eva topotahi te warrio. Te warrio. Ufaufaufa te amen. Merci à Flora Devatine, Véronique Larcade, Antoine Lilti, Serge Tcherkezov, Corinne Rebaud, John Merail, Tamara Maric, Jacques Vernaudon, Yves Doudout, Toari Traki, Terena Rey, Ennio Eagle et le groupe 1515, Mareva Gassien et Néhéné. Encore merci à Noémie Savinien, Guillaume Alévèque, Tara Ilkili, Véréa Tessier. Coordination, Marivonne Abolivier, Perrine Kervran. Prise de son studio, Manon Houssin. Réalisation, Nathalie Battus. À la recherche d'Aoutourou, premier Tahitien en Europe. Un documentaire proposé par Delphine Morel.